Radiomatique. Hey, let me stop fooling around and start my act. Sound of reality itself. Supposed to end. C'est sur la musique du projet Quantic de l'artiste britannique William Holland que nous amorcions cette transmission d'Audiomatique. La pièce que nous entendions, soit Fresh Rhythm, est une de ses premières compositions qu'il a publiées en 2000 sur un 7 pouces. Quant aux électronistes, ils ont déniché cette composition sur la compilation A Family Affair de la défunte étiquette de disque Vienna Scientist Recordings, qui s'intéressait particulièrement à la musique dub, trip-hop, down-tempo et future jazz. Par convention, les électronistes vous souhaitent la bienvenue à cette transmission 103 d'Audiomatique. Par conviction, nous vous invitons à partager cette heure radiophonique dédiée à la musique électronique et à consulter nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique pour étendre l'expérience à un espace-temps qui correspondra à votre humeur et à vos disponibilités. Et par nécessité, nous vous convions à écouter ceci. Je ne peux plus voir en peinture. Mon addiction de toi, le désir secret de m'enfuir. Ma volonté d'en finir, même si je t'aime si fort. Même si je t'aime si fort, si de peur je transpire. Ce soir, je suis méchante. Je t'aime. La fin de cette séquence musicale audiomatique voyait la formation new-yorkaise Brutal Truth amalgamer son style grindcore aux influences électroniques du projet Larceny avec la version remixée de la pièce Perpetual Conversion qui a été simplement rebaptisée Perpetual Larceny. Précédemment à Brutal Truth, nous avions droit au groupe lyonnais High Tone et la pièce Headline de leur album Wave Digger. High Tone est reconnu pour ses nombreuses collaborations. High Tone a entre autres formé le groupe Carl Tone avec le groupe dub français Cali Live Dub, le groupe High Visitors avec le groupe de dub stepper français Improvisators Dub, le groupe Wang Tone avec l'artiste chinois Wang Li, le groupe Zen Tone avec la formation dub française Zen Zile et le groupe High Damage avec l'artiste français Brain Damage. Et en début de bloc, il s'agissait de la chanteuse et comédienne française Anne-Sophie Charon qui nous présentait son projet La Fille en nous interprétant la chanson Je suis méchante de son premier album Tout attaché, lancé en 2010. C'est maintenant avec une composition inspirée de la techno-trance du début des années 90 que nous entamons la prochaine séquence musicale. Voici The Ultimate Life Experience et la pièce Escape from Noise. Avant la pause publicitaire, c'est avec l'une des nombreuses personnalités musicales des Canadiens Bill Leeb et Rhys Fulber que se terminait la séquence de deux pièces. De leur projet Intermix, nous écoutions la pièce Monument de l'album Phase 2 sorti en 1992. Et c'est une année plus tard, soit en 1993, que The Ultimate Life Experience nous offrait sa pièce Escape from Noise, pièce que nous avons eu le plaisir d'entendre avant Intermix. Donc The Ultimate Life Experience n'a produit que deux singles en 93 et 94, dont Escape from Noise, duquel est tirée la pièce-titre que nous vous avons fait entendre. Cette transmission d'Audiomatique se poursuit avec le duo allemand Klangstabil. Nous entendions à Audiomatic l'artiste canadien Sheldon Thompson, qui crée sous plusieurs pseudonymes, dont Sid Leroc. De Sid Leroc, justement, les électronistes vous présentaient la pièce Freak on for Fatty de son album Keep It Simple Stupid. Et pour débuter cette paire musicale, nous avons choisi de vous faire jouer le duo allemand Klang Stabil, formé de Maurizio Blanco et Boris May. De leur album Math and Emotion, c'est la chanson Twisted Words qui a été sélectionnée pour la programmation de cette transmission 103 d'Audiomatic. Nous terminons donc cette transmission 103 d'Audiomatic avec le projet de l'artiste russe Ivan Pavlov intitulé Son. Bien que la prononciation son se fasse dans la langue russe, la graphie en cyrillique comme en latin se lit comme suit, C-O-H. Donc, en 2008, ce compositeur nous livre un album inusité intitulé Son Plays Kazi, pour lequel toutes les pièces sont composées à partir des mots et des sons de la voix de l'artiste Kazi Fanny Tutti, enregistrée spécifiquement pour cet album. Ivan Pavlov a ensuite retravaillé, modifié et séquencé la voix de Kazi pour créer ces pièces qui ont, bien entendu, un fort côté expérimental, mais aussi poétique. Quant à nous, nous allons entendre la pièce Inside. Par convention, les électronistes vous remercient de votre attention et par conviction, ils vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 104. Et par nécessité, Audiomatic est présent sur Internet par l'entremise de son profil Facebook au facebook.com/audiomaticcfou, mais aussi sur Mixcloud au mixcloud.com/audiomatic. Vous n'avez donc plus aucune raison de prétendre que vous avez raté une des transmissions d'Audiomatic. Et voici Son Plays Kazi avec la composition Inside. Bonne écoute et bonne semaine. Still. city. Like the roofs in the rain. Telephone rings, breaking the silence. But the dolphins remain still, shiny and grey.